la mer est bleue. D'ici, on pourrait croire que les gens sont heureux. La terre est un paradis vu d'avion. D'ici, il n'y a pas de guerre. Au loin, on pourrait croire qu'on voit quelques peaux rouges assis en rond. Tous les hommes s'aiment vu d'avion. Un jour, je dois prendre un maître, ce sera Jonathan, le goéland qui passe au-dessus du monde, comme nous passons ce soir au-dessus du Mont Blanc. D'ici, tout le monde est riche. Y'a pas de misère. D'ici, tout est possible. Tout est beau sur la terre. Tous les hommes sont égaux vu d'avion. Tous les hommes sont égaux, vu l'avion.